dopo, perché il dottor Wisse si sospone. Thank you. řeknete, je na ten kolonel, proč na ten kolonel, na ten kolonel, proč se komu spadl tolko, ne? Ký tví SGDs, on řeknete, na CX, ký na ten tví komplex, i ten ten, on ten bílet, on ten je. Ten ten, on ten bílet, on ten je, ten on ten typ, na ten septa, i na ten diagona. Na CX, on řeknete, машина. На колоне на рац, еди он фор, он кат, трон сегмон, де трон сегмон и дон де тип на тер. Лентер, он трикиле, постерие, и на ритру, он трикиле, гош. Ces athènes assurent la vascularisation de la tête qui tombe du myocarde. Lorsqu'il y a une insuffisance coronaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a un rétrécissement de la lumière vasculaire de ces athènes. Donc il y a un défaut d'apport en oxygène. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre les apports en oxygène et les besoins, c'est l'insuffisance coronaire. Cette insuffisance coronaire, elle se traduit électriquement sur le plan électrique par des signes caractéristiques. Donc les signes électriques d'insuffisance coronaire, c'est la traduction du déséquilibre entre les apports en oxygène et les besoins en oxygène. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre les apports en oxygène et les besoins du myocarde en oxygène, il y a une insuffisance coronaire. Cette insuffisance coronaire va se traduire électriquement par les signes qu'on va voir ensemble. Est-ce que vous avez compris? Oui. Une pente descendante qui est rapide, lorsqu'il y a une insuffisance coronaire, on va avoir une onde T qui est symétrique avec un sommet qui est pointu. D'accord? Donc, l'insuffisance qu'on a, lorsqu'on a un sous-décalage du segment ST, lorsqu'il y a un sous-décalage, on dit qu'il y a un courant, il faut prendre ça, un sous-décalage de segment ST, il faut dire qu'il y a un courant de lésion sous l'onde cathodique. Lorsqu'il y a un sus-décalage du segment ST, on voit qu'il y a un courant de lésion sous épicardique. On a dit que l'insuffisance coronaire, ça concerne soit le segment ST, soit le long de T. On a dit que le segment ST, il est isoélectrique. On peut avoir un sous-décalage du segment ST. Lorsqu'on a un sous-décalage du segment ST, on dit que ça correspond à un courant de lésion sous onde cathodique. D'accord? Lorsqu'on a un sus-décalage du segment ST, ça veut dire que le segment ST est sur la ligne de base. Il est au-dessus de la ligne de base. On dit qu'il y a un courant de lésion sous sépicardique. À l'inverse de l'onde T, lorsqu'on a C'est un courant de lésion sous-épicardique. C'est-à-dire, chez le même patient, on peut avoir toutes les modifications des deux ensemble. Est-ce que vous avez compris ou non? Parce que dans le syndrome coronarien aigu, il y a deux entités. Il y a le syndrome coronarien aigu avec ce décalage persistant du cerveau ST, anciennement appelé l'infarctus du myocarde. D'accord? Il y a le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du cerveau ST. Ça englobe toutes les modifications électriques du cerveau ST de l'onde T, sauf le sus-décalage persistant. C'est-à-dire, par exemple, si on trouve chez un patient un sous-décalage transitoire, un sous-décalage, et on dit qu'il est positif, et on dit que si toutes les modifications du syndrome coronarien aigu sont sus-décalage persistant du cerveau ST. Par contre, dans l'infarctus du myocarde, anciennement appelé l'infarctus du myocarde, actuellement, il est appelé le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant. Dans le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant, c'est un sus-décalage qui est persistant, qui est permanent. Par contre, dans le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant, on peut avoir un sus-décalage qui est transitoire. C'est-à-dire, chez le même patient, on peut trouver un mouvement de lésion sous-endocardique, puis un mouvement de lésion sous-endocardique, puis une ischémie sous-endocardique, une ischémie sous-endocardique. C'est tout un peu sans le sus-décalage persistant. Est-ce que vous avez compris ou non? Maintenant, on va parler d'une entité particulière de. Lorsqu'il y a une thrombose ou une fermeture, 20 colonnes à droite. Pas voir possible. La colonne à droite, on va trouver une modification électrique en V2, V3, ABF. Parce que le territoire inférieur de votre fil gauche, il est exploré par D2, D3, ABF. Lorsqu'il y a une fermeture de la tête circonflexe, la circonflexe, ça vascularise la paroi latérale de votre fil gauche. Donc D1 ABF est 5 et 6. C'est ça, systématisé. C'est-à-dire qu'on le trouve dans le territoire qui correspond à l'artère, à la paroi vascularisée par l'artère coupable, par l'artère occluse. C'est ça. Persistant dans le temps. Persistant, si on refaire le CG, on peut avoir un subdécalage qui est transitoire. Un patient qui fait un subdécalage du séquence, mais il est transitoire. Si on refait l'électrocardiogramme, on trouve un séquence qui est isoélectrique, qui est sous-décalé, un sous-décalage. Par contre, dans le même actif, le subdécalage est persistant. Même si on met le patient sous rythme bien nitré, il garde toujours le subdécalage du séquence. Parce que si le plan physiopathologique, c'est des mécanismes différents. Dans le syndrome coronarien mis avec subdécalage persistant, c'est une fermeture complète de l'artère. Par contre, dans le syndrome coronarien mis sans subdécalage, c'est une fermeture qui est partielle. D'accord? Donc, le subdécalage du CQST dans l'infarctus, dans le syndrome coronarien mis avec subdécalage persistant, il est convexe vers le haut, il englobe l'onde de T, il est systématisé à un territoire donné, il donne une autre caractéristique, image au miroir. C'est pas si systématique, mais dans 80% des cas, il donne des images au miroir. Image au miroir. Image au miroir du sous-décalage, c'est le sous-décalage. C'est-à-dire, si on fait l'électrocardiogramme chez un patient, peut-être en urgence pour des douleurs infarctuites. Infarctuites typiques, c'est-à-dire c'est des douleurs qui sont prolongées, qui résistent aux dérivés nitrés. Parce que les douleurs angineuses, ça répond aux dérivés nitrés. Si on met le patient sur les nitrates dérivés nitrés, ça va soulager les douleurs. Par contre, dans l'infarctus du myocarde, les douleurs, il y a toujours des douleurs malgré si on met le patient sur les dérivés nitrés. Donc, c'est des douleurs trinitro-résistantes. C'est des douleurs infarctuites. C'est une douleur prolongée. On fait l'électrocardiogramme, on trouve un sous-décalage qui est persistant. Par exemple, si on suppose que l'artère fermée, c'est l'interventriculaire antérieur. L'interventriculaire antérieur, on va trouver un sous-décalage du segment ST convexe vers le haut, qui englobe de T, de V1 jusqu'au V6, avec probablement image en miroir dans les territoires inférieurs. Parce que l'image au miroir de l'infarctus antérieur, il donne l'image au miroir en dessous du garage dans les territoires inférieurs. C'est-à-dire, si on fait l'électrocardiogramme chez un patient qui fait un infarctus du myocarde dans les territoires antérieurs, on va trouver un sous-décalage de V1 jusqu'au V6, et en même temps, on va trouver un sous-décalage de territoire inférieur, des deux territoires ABF. On dit que le sous-décalage, c'est l'image au miroir du sous-décalage de l'antérieur. Est-ce que vous avez compris ou non? Non. Si tu dis ça, reste ici au cas de la parole. On a dit que le suffit galas. Le sous-décalage, c'est quoi le syndrome qu'on a eu avec le sous-décalage persistant du CMOC? C'est l'infarctus du myocarde. C'est l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, le deuxième signe électrique. On a dit que le premier signe électrique, c'est l'onde de T. Onde pointée, signe électrique. Le deuxième signe électrique, c'est le sous-décalage du CMOC qui est convexe vers le haut, qui est persistant, qui est enveloppe l'onde de T, qui est systématisé à un territoire donné et qui donne. Et moi, j'en ai voir. Un patient qui fait un infarctus, par exemple, antérieur étendu. C'est quoi le territoire antérieur étendu? C'est de V1 jusqu'au V6, plus V1 à VL. C'est ça le territoire antérieur. On ne va pas rentrer dans les détails. De V1 jusqu'au V6. Un patient qui fait un mécanisme d'une hyperbolité du voie antérieure, on va avoir un subdécalage du segment ST dans les territoires antérieurs. Ça veut dire devenir un ischomycise. Un subdécalage, dans les isolités, c'est comme ça, on va trouver un subdécalage comme ça. Par exemple, devenir un ischomycise. Ce subdécalage du segment ST, dans le même électrocardiogramme, dans les territoires inférieurs, D2D3 arrière, on va trouver un sous-décalage du segment ST. C'est quoi le sous-décalage du segment ST? C'est l'image en miroir du sous-décalage dans l'antérieur. On va dire, c'est n'importe qui du cardan, l'histoire antérieure, avec l'image en miroir dans les territoires intérieurs. Est-ce que vous avez compris ou non? Le sous-décalage dans les territoires intérieurs, c'est l'image en miroir du subdécalage dans les territoires antérieurs. La partie antérieure, il donne l'image en miroir dans les territoires inférieurs. L'infarctus inférieur, il donne l'image en miroir dans les territoires antérieurs. C'est-à-dire un infarctus antérieur conduit. C'est-à-dire un subdécalage persistant dans les territoires antérieurs, on va trouver l'image en miroir dans les territoires intérieurs. Le subdécalage, il est interprété comme image en miroir de l'infarctus antérieur. C'est très simple. L'onde de T, on a dit qu'elle est asymétrique, l'électrocardiogramme normal. Dans l'infarctus du myocarde ou dans le syndrome coronarien sans sous-décalage, dans la sclérose coronarienne en général, c'est l'onde de T qui devient symétrique. On a dit qu'elle est asymétrique. Dans la sclérose coronarienne, elle devient symétrique. On a dit qu'elle a une pente ascendante qui est lente et une pente descendante qui est rapide. Dans l'infarctus, dans la sclérose coronarienne en général, Elle devient symétrique. Avec un sangle qui est pointu. On peut avoir une onde de T qui est positive ou négative dans l'insuffisance coronaire. On a dit, onde de T positive, c'est une ischémie sous onde cardique. Et onde de T qui est négative, c'est une ischémie sous épicardique. On peut avoir des modifications des deux. Est-ce que vous avez compris? C'est toi. Qui n'a pas compris? Sur l'anatomie de la vascularisation. Parce que l'anatomie de la vascularisation, c'est très important. Parce que les modifications électriques, ça concerne le territoire de l'artère qui est fermée. C'est pas tout le territoire. Par exemple, la CX. La CX, la circonférence, elle vascularise la paroi latérale du ventre qui gauche. Lorsqu'il y a une occlusion de cette artère, on va avoir des modifications électriques dans le territoire latéral. C'est quoi le territoire latéral? Il est exploré par D1, AB1, B5, B6. Le territoire latéral est vascularisé par D5, D6, D1, AVN. La paroi antérieure du ventre qui gauche, elle est vascularisée par l'interventriculaire antérieure. L'interventriculaire antérieure est exprimée par les dérivations de V1 jusqu'au V6. La paroi inférieure du ventre qui gauche, elle est vascularisée par la colonne droite. La colonne droite, elle est explorée sur le plan électrocardiogramme par les dérivations D2, D3, AVN. C'est tout. Lorsqu'il y a une thrombose, une fermeture de l'artère, la colonne droite, on va avoir un sous-décalage persistant du segment ST dans les territoires inférieurs, dans les territoires de l'artère, D2, D3, AVN, avec probablement image en miroir dans les territoires antérieurs. Lorsqu'il y a une fermeture de l'artère interventée de l'antérieur, elle est explorée par V1-V6, on va avoir un sous-décalage persistant de V1-V6, avec image en miroir dans les territoires inférieurs. Lorsqu'il y a une fermeture de l'artère, on peut avoir une modification. Essentiellement en général, il faut apprendre que le territoire antérieur il donne l'image en miroir dans le territoire inférieur, soit l'intérieur, soit latéral. Généralement, c'est l'intérieur. Et le territoire inférieur il donne l'image en miroir dans le territoire antérieur. Ce n'est pas systématique. Hein. On peut avoir un sous-décalage précisant sans image en miroir. Mais dans 80% des cas, il donne l'image en miroir. Pourquoi? Parce que ces caractéristiques, c'est pour le différencier des autres sous-décalages. Qu'est-ce que le sucre du calage? On ne va pas retrouver ces mots dans les parties du myocarde. On peut avoir un sucre du calage avancé dans la péricardie, dans le syndrome de polarisation précoce, dans l'anévrisme ou complications mécaniques d'infarctus antérieur. Un sucre du calage persiste. Après la troisième semaine, c'est l'anévrisme du ventricule gauche. Un sucre du calage concave. Pourquoi on a dit convexe? Parce que le sucre du calage concave, c'est la péricardite. Une autre caractéristique, le sucre du calage de la péricardite, il est concordant dans toutes les dérivations. On le trouve de V1 jusqu'au V6, V2, V3, AVF, V7, V8, V8, dans toutes les dérivations. Par contre, dans l'infarctus, il est systématisé en territoire donné, qui correspond à la tête fermée. Le sucre du calage de la péricardite, il est concave. L'infarctus, il est convexe. La péricardite, il est concordant dans toutes les dérivations. Par contre, dans l'infarctus, il est systématisé en territoire donné. Le sucre du calage de la péricardite, il ne donne pas image au miroir. Par contre, le sucre du calage de l'infarctus, il donne image au miroir. Il faut juste apprendre ça pour répondre au QCM de l'examen. Pas forcément entre les deux. Pas forcément. On a dit pas forcément. On a dit pas forcément. On a dit pas forcément. On a dit pas forcément. La négativité de l'ombre de T. Je pense. On a trouvé l'ombre de T négatif. On va trouver dans les syndromes coronariens qui sont sous vitage persistant. Dans l'infarctus du myocarde, c'est un signe tardif. Le premier signe écrit qu'on a dit en 2T positif propre, point d'isymétrie. Le deuxième signe, c'est le sucre du calage convexe vers le haut qui est en plan de T. Le troisième signe écrit, c'est l'onde de Q nécrose. Si l'onde de Q dans la durée dépasse 0,04 secondes, dans la durée, dans l'amplitude dépasse peut-être 0,1. C'est ça les trois signes écrits. Par contre, dans le sucre du calage, dans le syndrome coronarien, sans sucre du calage persistant. Ça englobe toutes les modifications électriques du syndrome ST de l'endetté, sauf le sucre du calage persistant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une endetté qui est négative, qui est positive, qui est un sucre du calage syndrome ST, un sucre du calage qui est syndrome. Toutes les modifications électriques, sauf le sucre du calage persistant. Même un patient qui fait un sucre du calage transitoire, c'est un syndrome coronarien sans sucre du calage persistant. Parce que le sucre du calage d'infarctus du myocarde, c'est un sucre du calage qui est permanent, qui est persistant. Par contre, un patient qui fait des douleurs angineuses, il peut faire un sucre du calage, mais il ne transite pas. Pour le second ST, il peut revenir à la limite électrique, il peut négativer le second ST, il peut se décaler, il peut. D'accord. C'est toutes les modifications électriques sauf que le sucre du calage persiste. V1 jusqu'au V3. C'est l'antéro-septal. V3, V4, c'est l'apex du ventricule, c'est la pointe. De V1 jusqu'à V3 plus V2. V3 à V1. C'est le certain profond. De V1 jusqu'au V3 plus D2 V3 à V1, c'est le certain profond. Aïe, ثانية بعد الآن بسيس زي ده. يعني إحنا كلها تقفل هذه. De V1 jusqu'au V6, c'est le territoire antérieur. De V1 jusqu'au V3, c'est l'antérieur, c'est pas. V3, V4, c'est l'apex du ventre qui coche. D2, V3, AVM, c'est le territoire intérieur. V7, V8, V9, c'est le territoire postérieur. D1, AVM, c'est la partie haute du ventre qui... La paroi haute latérale du ventre qui coche, c'est le latéral haut. V5, V6, c'est le latéral bas. Il faut apprendre les territoires. C'est très simple.